j'ai un pas mon âge. J'ai toujours la haine pour saccager. L'album est là, vas-y, crée ton image. Et juge comme tu veux, pas besoin d'être encouragé. Pour plaire à tout le monde, je me suis pas engagé. J'sais que tous mes frères kiffent mon ouvrage. N'aie pas la rage car mon son se propage dans tous les coins, même ton entourage. Oh, hey yo mec, j'suis un barge. J'crache tout, mate le flow que je dégage. Depuis ta l'heure, j'vois que tu sautes comme un sage. T'es bien où tu es, vas-y, reste dans ta cage. Les MC et moi, y'a une putain de marge. Le rap m'a appris comment créer mon avantage. Non, gros pack, on est juste passage. Le passé est passé, voilà la nouvelle page. Maintenant, j'ai trop d'avance sur le rap français. Toute la France sur mon son, j'veux voir danser. Et y'a ta vue, le projet s'est lancé. Balance tes idées, on a tout défoncé. Trop futur, non sens, c'est censé. Qu'un seul but en force, en forcé. Ouais, MC, fais ton retour au passé. Passe-moi le mic et trace ton tracé. Not monopole, pas menacé. On fume sur le tronc complètement cassé. Dans mes verres, trop nerfs, j'ai versé. Vas-y, verse les tiens, tu pourras jamais percer. Ok, maintenant tu sais qui c'est. Le mélange d'un duo très épicé. Si tu goûtes au son profond, tu vois glisser. Normal de rien, au trop, non, c'est hissé. Notre son te casse les dents, donc toi t'as plus qu'à céder. On trafique dans le rap comme Black, comme Cassidy. Pas de ces petites putes qui sont là pour les pépettes. Leur son pue la défaite, et en plus ils se la pètent à la Tizzy Bone. On vaut mieux que tous ces idiots. C'est ce qu'il nous faut, un mémorial pour nos idéaux. Ici on représente Roots comme Action. On prépare une révolution avec nos sons, architectes de Z comme FL. J'emmerde le FN avec mon flow. En effet, moi c'est FLX. Je vois que tes oreilles saignent à verse. T'as cru que tu pourrais résister, bah c'est l'inverse. C'est la guerre comme dans Call of. J'rappe comme un colosse, je lâcherai pas prise comme le T-1000 et Sarah Connors. Artisanal, on vend nos scotch sous cellophane comme du shit. C'est pas du son pour plaire aux fans. Notes sont trop lourds pour ton crâne. Va prendre un aspégique, trop joué les ouf, on les crame. Finissent paraplégiques sur une chaise roulante. On détourne les ouf, détournante. Nouvelle fournée, on nous acclame comme en tournée. Tout deep, on n'a pas tout dit. On a les outils, alors ouvre bien tes écoutes. Il y a tas de choses à dire et de sujets à aborder. On n'est pas mort, on vit encore. Le rap vient nous border. On fait des heureux pour une demi-douzaine d'euros. Nos sons sur un stud, on fait ça comme Zorro. Street promo, sur le rap on s'est calé en primo. Mais si la borde tombe, on se brisera les os. C'est la street. Débrouille, pas de bite à 3 millions de dollars. On parle pas de gloire et d'oseille comme tous ces connards. C'est la pure sauce, East Coast, West Coast. On vient révolutionner le son, moi et mon sauce on vient de sens. Maintenant, on avance, faut qu'on trace. Maintenant, qu'on est lancé, faut pas qu'on stagne. Maintenant, je crois que c'est le moment de percer. C'est maintenant ou jamais si on veut avancer. Maintenant, on a avancé, faut qu'on trace. Maintenant, qu'on est lancé, faut pas qu'on stagne. Maintenant, je crois que c'est le moment de percer. C'est maintenant ou jamais si on veut tout renverser.